Chapitre 3e, Cagliostro. Il était d'autant plus facile à l'inconnu de se confondre dans cette foule que cette foule était nombreuse. C'était l'avant-garde du cortège du roi, de la reine et du dauphin. On était parti de Versailles, comme l'avait dit le roi, vers 1 heure de l'après-midi. La reine, le dauphin, Madame Royale, Monsieur le comte de Provence, Madame Élisabeth et André étaient montés dans le carrosse du roi. 100 voitures avaient reçu les membres de l'Assemblée nationale qui s'étaient déclarés inséparables du roi. Le comte de Charny et Billot étaient restés à Versailles pour rendre les derniers devoirs au baron Georges de Charny, tué, comme nous l'avons dit, dans cette terrible nuit du 5 au 6 octobre, et pour empêcher qu'on ne mutilât son corps, comme on avait mutilé ceux des gardes du corps Varécourt et Desut. Cette avant-garde dont nous avons parlé, qui était partie de Versailles 2 heures avant le roi, et qui le précédait d'un quart d'heure à peu près, était rallié en quelque sorte de têtes des gardes qui lui servaient de drapeau. Ces têtes s'étant arrêtées au cabaret du pont de Sèvres, l'avant-garde s'était arrêtée avec elle et en même temps qu'elle. Cette avant-garde se composait de misérables déguenillés et à moitié ivres, écume flottant à la surface de toute inondation, que l'inondation soit d'eau ou de lave. Tout à coup il se fit dans cette foule un grand tumulte. On venait d'apercevoir les baïonnettes de la garde nationale et le cheval blanc de Lafayette qui précédait immédiatement la voiture du roi. Lafayette aimait fort les rassemblements populaires. C'était au milieu du peuple de Paris, dont il était l'idole, qu'il régnait véritablement. Mais il n'aimait pas la populace. Paris, comme Rome, avait sa plèbes et sa plébécula. Il n'aimait pas surtout ces sortes d'exécutions que la populace faisait elle-même. On a vu qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour sauver Flessel, Foulon et Berthier de Sauvigny. C'était donc à la fois pour lui cacher son trophée et conserver les insignes sanglants qui constataient sa victoire que cette avant-garde avait pris les grands devants. Mais il paraît que, renforcés du triumvirat qu'ils avaient eu le bonheur de rencontrer dans le cabaret, les porte-étendards avaient trouvé un moyen d'éluder Lafayette, car ils refusèrent de partir avec leurs compagnons et décidèrent que Sa Majesté, ayant déclaré qu'elle ne voulait pas se séparer de ses fidèles gardes, ils attendraient Sa Majesté pour lui faire cortège. En conséquence, l'avant-garde, ayant pris des forces, se remit en chemin. Cette foule, qui s'écoulait sur la grande route de Versailles à Paris, pareille à un égout débordé qui, après un orage, entraîne dans ses flots noirs et boueux les habitants d'un palais qu'il avait trouvé sur son chemin et renversé dans sa violence, cette foule, disons-nous, avait, de quelque côté de la route, une espèce de remous formé par les populations des villages environnant cette route et accourant pour voir ce qui se passait. Parmi ceux qui accouraient ainsi, quelques-uns, et c'était le petit nombre, se mêlaient à la foule, faisant cortège au roi, jetant leurs cris et leurs clameurs au milieu de toutes ces clameurs et de tous ces cris. Mais le plus grand nombre restait aux deux côtés du chemin, immobile et silencieux. Dirons-nous pour cela qu'ils étaient bien sympathiques au roi et à la reine? Non, car à moins d'appartenir à la classe aristocratique de la société, tout le monde, même la bourgeoisie, souffrait peu ou prou de cette effroyable famine qui venait de s'étendre sur la France. Donc, s'ils n'insultaient pas le roi, la reine et le dauphin, ils se taisaient, et le silence de la foule est peut-être pire encore que son insulte. En échange, au contraire, cette foule criait de tous ses poumons « Vive Lafayette !» lequel ôtait de temps en temps son chapeau de la main gauche et saluait avec son épée de la main droite. Et vive Mirabeau, lequel passait de temps en temps aussi sa tête par la portière du carrosse, où il était entassé, lui, 6e, afin d'aspirer à pleine poitrine l'air extérieur nécessaire à ses larges poumons. Ainsi, le malheureux Louis XVI, pour qui tout était silence, entendait applaudir devant lui la chose qu'il avait perdue, la popularité, et celle qui lui avait manqué toujours, le génie. Gilbert, comme il l'avait fait au voyage du roi seul, marchait confondu avec tout le monde à la portière droite du carrosse du roi, c'est-à-dire aux côtés de la reine. Marie-Antoinette, qui n'avait jamais pu comprendre cette espèce de stoïcisme de Gilbert, auquel la raideur américaine avait ajouté une nouvelle âpreté, regardait avec étonnement cet homme qui, sans amour et sans dévouement pour ses souverains, remplissant simplement près d'eux ce qu'il appelait un devoir, était prêt à faire pour eux cependant tout ce que l'on fait par dévouement et par amour. Davantage même, car il était prêt à mourir et beaucoup de dévouement et d'amour n'allèrent point jusque-là. Des deux côtés de la voiture du roi et de la reine, outre cette espèce de file de gens à pied qui s'étaient emparés de ce poste, les uns par curiosité, les autres pour être prêts à secourir en cas de besoin, les augustes voyageurs, très peu dans de mauvaises intentions, marchaient sur les deux revers de la route, pataugeant dans une boue de 6 pieds de hauteur, les dames et les forts de la halle, qui semblaient rouler de temps en temps, au milieu de leur fleuve bigarré de bouquets de rubans, un flot plus compact. Ce flot, c'était quelques canots ou quelques caissons, chargés de femmes chantant à haute voix et criant à tue-tête. Ce qu'elles chantaient, c'était notre vieille chanson populaire, la boulangère à des écus qui n'eut le coup de guerre. Ce qu'elles disaient, c'était cette nouvelle formule de leur espérance « Nous manquons plus de pain maintenant, nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. » La reine semblait écouter tout cela sans y rien comprendre. Elle tenait, debout entre ses jambes, le petit dauphin, qui regardait cette foule de cet air effaré dont les enfants de princes regardent la foule à l'heure des révolutions, comme nous avons vu, nous, le roi de Rome, le duc de Bordeaux et le comte de Paris la regarder. Seulement, notre foule à nous est plus dédaigneuse et plus magnanime que celle-là, car elle est plus forte et elle comprend qu'elle peut faire grâce. Le roi, de son côté, regardait tout cela avec son regard terne et alourdi. Il avait à peine dormi la nuit précédente. Il avait mal mangé à son déjeuner. Le temps lui avait manqué pour ajuster et repoudrer sa coiffure. Sa barbe était longue, son linge fripé, toute chose infiniment à son désavantage. Hélas, le pauvre roi n'était pas l'homme des circonstances difficiles. Aussi, dans toutes les circonstances difficiles, pliait-il la tête. Un seul jour, il la releva, ce fut sur l'échafaud, au moment où elle allait tomber. Madame Élisabeth était cet ange de douceur et de résignation que Dieu avait mis près de ces deux créatures condamnées, qui devaient consoler le roi au temple de l'absence de la reine, consoler la reine à la conciergerie de la mort du roi. Monsieur de Provence, là comme toujours, avait son regard oblique et faux. Il savait bien que, pour le moment du moins, lui ne courait aucun danger. C'était, en ce moment-là, la popularité de la famille. Pourquoi ? On n'en sait rien. Peut-être parce qu'il était resté en France quand son frère, le comte d'Artois, était parti. Mais si le roi eût pu lire au fond du cœur de Monsieur de Provence, reste à savoir si ce qu'il eût lu lui eût laissé bien intacte cette reconnaissance qu'il lui avait vouée pour ce qu'il regardait comme du dévouement. André semblait de marbre, elle. Elle n'avait pas mieux dormi que la reine, pas mieux mangé que le roi. Mais les besoins de la vie ne semblaient point faits pour cette nature exceptionnelle. Elle n'avait pas eu plus de temps pour soigner sa coiffure ou changer d'habit, et cependant, pas un cheveu de sa coiffure n'était dérangé. Pas un pli de sa robe n'indiquait un froissement inaccoutumé. Comme une statue, ses flots qui s'écoulaient autour d'elle, sans qu'elle parût même y faire attention, semblaient la rendre plus lisse et plus blanche. Il était évident que cette femme avait, au fond de la tête ou du cœur, une pensée unique et lumineuse pour elle seule, où tendait son âme, comme tend à l'étoile polaire, l'aiguille est montée. Espèce d'ombre parmi les vivants, une chose seule indiquait qu'elle vécut. C'était l'éclair involontaire qui s'échappait de son regard chaque fois que son œil rencontrait l'œil de Gilbert. À 100 pas, à peu près, avant d'arriver au petit cabaret dont nous avons parlé, le cortège fit halte. Les cris redoublèrent sur toute la ligne. La reine se pencha légèrement en dehors de la portière, et ce mouvement, qui ressemblait cependant à un salut, fit courir dans la foule un long murmure. « Monsieur Gilbert, » dit-elle. Gilbert s'approcha de la portière. Comme, depuis Versailles, il tenait son chapeau à la main, il n'eut point besoin de l'ôter pour donner une marque de respect à la reine. « Madame, » dit-il, ce seul mot, par l'intonation précise avec laquelle il fut prononcé, indiquait que Gilbert était tout aux ordres de la reine. « Monsieur Gilbert, » reprit-elle, « que chante donc, que dit donc, que crie donc votre peuple ?» On voit, par la forme même de cette phrase, que la reine l'avait préparée d'avance, que depuis longtemps, sans doute, elle l'avait mâchée entre ses dents avant de la cracher par la portière à la face de cette foule. Gilbert pousse un soupir qui signifiait « toujours la même ». Puis, avec une profonde expression de mélancolie, « Hélas, madame, ce peuple que vous appelez mon peuple a été le vôtre autrefois, et voilà un peu moins de 20 ans que monsieur de Brissac, un charmant courtisan que je cherche vainement ici, vous montrait du balcon de l'hôtel de ville, ce même peuple criant « Vive la dauphine !» et vous disait « Madame, vous avez là 200 000 amoureux !» La reine se mordit les lèvres. Il était impossible de prendre cet homme en défaut de répartie ou en faute de respect. Oui, c'est vrai, dit la reine. Cela prouve seulement que les peuples changent. Cette fois, Gilbert s'inclina, mais ne répondit pas. Je vous avais fait une question, monsieur Gilbert, dit la reine avec cet acharnement qu'elle mettait à tout, même aux choses qui devaient lui être désagréables. Oui, madame, dit Gilbert, et je vais y répondre, puisque votre majesté insiste. Le peuple chante, la boulangère a des écus qui ne lui coûtent guère. Vous savez qui le peuple appelle la boulangère ? Oui, monsieur, je sais qu'il me fait cet honneur. Je suis déjà habitué à ces sobriquets. Il m'appelait Madame Déficit. Y a-t-il donc quelque analogie entre le premier surnom et le second ? Oui, madame, et vous n'avez, pour vous en assurer, qu'à peser les deux premiers vers que je viens de vous dire. La boulangère a des écus qui ne lui coûtent guère. La reine répéta. A des écus qui ne lui coûtent guère. Je ne comprends pas, monsieur. Gilbert se tut. Eh bien, reprit la reine avec impatience, n'avez-vous pas entendu que je ne comprenais pas ? Et votre majesté continue d'insister sur une explication, sans doute. Cela veut dire, madame, que votre majesté a eu des ministres très complaisants. Des ministres des finances, surtout. Monsieur de Calonne, par exemple. Le peuple sait que votre majesté n'avait qu'à demander pour qu'on lui donnât. Et comme cela ne coûte pas grand-chose de demander quand on est reine, attendu qu'en demandant on ordonne, le peuple chante, la boulangère a des écus qui ne lui coûtent guère. C'est-à-dire qu'il ne lui coûte que la peine de les demander. La reine crispa sa main blanche posée sur le velours rouge de la portière. « Eh bien, soit, dit-elle, voilà pour ce qu'il chante. Maintenant, s'il vous plaît, monsieur Gilbert, puisque vous expliquez si bien sa pensée, passons à ce qu'il dit. Il dit, madame, nous ne manquons plus de pain, maintenant que nous tenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Vous allez m'expliquer cette seconde insolence aussi clairement que la première, n'est-ce pas ? J'y compte. » « Madame, dit Gilbert avec la même douceur mélancolique, si vous vouliez bien peser, non pas les mots, peut-être, mais l'intention de ce peuple, vous verriez que vous n'avez pas tant à vous plaindre que vous le croyez. Voyons cela, dit la reine avec un sourire nerveux. Vous savez que je ne demande pas mieux que d'être éclairé, monsieur le docteur. Voyons donc, j'écoute, j'attends. À tort ou à raison, madame, on lui a dit à ce peuple qu'il se faisait à Versailles un grand commerce de farine et que c'était pour cela que les farines n'arrivaient plus à Paris. Qui nourrit ce pauvre peuple ? Le boulanger et la boulangère du quartier. Vers qui le père, le mari, le fils tournent-ils leurs mains suppliantes quand, faute d'argent, l'enfant, la femme ou le père meurt de faim ? Vers ce boulanger, vers cette boulangère. Qui supplie-t-il, après Dieu, qui fait pousser les moissons ? Ceux-là qui distribuent le pain. N'êtes-vous pas, madame, le roi n'est-il pas, cet auguste enfant ? N'est-il pas lui-même ? N'êtes-vous pas tous trois, enfin, les distributeurs du pain de Dieu ? Ne vous étonnez donc pas du doux nom que ce peuple vous donne, et remerciez-le de cette espérance qu'il a, qu'une fois que le roi, la reine et monsieur le dauphin seront au milieu de 1 200 000 affamés, ces 1 200 000 affamés ne manqueront plus de rien. La reine ferma un instant les yeux et on lui vit faire un mouvement de la mâchoire et du cou, comme si elle essayait d'avaler sa haine en même temps que cette âcre salive qui lui brûlait la gorge. Et ce qu'il crie, ce peuple, ce qu'il crie là-bas, devant et derrière nous, devons-nous l'en remercier comme des sobriquets qu'il nous donne, comme des chansons qu'il nous chante ? Oui, madame, et plus sincèrement encore, car cette chanson qu'il chante n'est que l'expression de sa bonne humeur, car ces sobriquets qu'il vous donne ne sont que la manifestation de ses espérances, mais ces cris qu'il pousse, c'est l'expression de son désir. Ah, le peuple désire que messieurs de Lafayette et Mirabeau vivent. Comme on le voit, la reine avait parfaitement entendu les chants, les dires et même les cris. Oui, madame, dit Gilbert. Car, en vivant, M. de Lafayette et M. de Mirabeau, qui sont séparés, comme vous voyez en ce moment, séparés par l'abîme au-dessus duquel vous êtes suspendu, car en vivant, M. de Lafayette et M. de Mirabeau peuvent se réunir, et en se réunissant, sauver la monarchie. C'est-à-dire alors, monsieur, s'écria la reine, que la monarchie est si bas qu'elle ne peut être sauvée que par ces deux hommes ? Gilbert s'apprêtait à répondre quand des cris d'épouvante, mêlés à d'atroces éclats de rire, se firent entendre et qu'on vit s'opérer dans la foule un grand mouvement qui, au lieu d'éloigner Gilbert, le rapprocha de la portière où il se cramponna, devinant que quelque chose se passait ou allait se passer, qui peut-être nécessiterait pour la défense de la reine l'emploi de sa parole ou de sa force. C'étaient les deux porteurs de têtes qui, après avoir fait pondrer et friser ces têtes par le malheureux Léonard, voulaient se donner l'horrible plaisir de les présenter à la reine, comme d'autres, ou lui-même, peut-être, s'était donné celui de présenter à Berthier la tête de son beau-père Foulon. Ces cris, c'était ce que poussait, à la vue des deux têtes, cette foule qui s'écartait, se refoulant d'elle-même et souvent épouvantée pour les laisser passer. « Au nom du ciel, madame, » dit Gilbert, « ne regardez pas à droite. » La reine n'était pas femme à obéir à une pareille injonction sans s'assurer de la cause pour laquelle elle lui était faite. En conséquence, son premier mouvement fut de tourner les yeux vers le point que lui interdisait Gilbert. Elle jeta un cri terrible. Mais tout à coup, ses yeux se détachèrent de l'horrible spectacle, comme s'il venait de rencontrer un spectacle plus horrible encore, et rivait à une tête de méduse, ne pouvant plus s'en détacher. Cette tête de méduse, c'était celle de l'inconnu que nous avons vu causant et buvant avec Maître Gamin au cabaret du pont de Sèvres, et qui se tenait debout, les bras croisés, appuyés contre un arbre. La main de la reine se détacha de la portière de velours, et s'appuyant sur l'épaule de Gilbert, elle s'y crispa un instant à enfoncer ses ongles dans les chairs. Gilbert se retourna. Il vit la reine pâle, les lèvres blêmes et frémissantes, les yeux fixes. Peut-être eût-il attribué cette surexcitation nerveuse à la présence des deux têtes, si la vue de Marie-Antoinette avait été arrêtée sur l'une ou sur l'autre. Mais le regard plongeait horizontalement devant lui à hauteur d'homme. Gilbert suivit la direction du regard et comme la reine avait poussé un cri de terreur, il en poussa, lui, un détonnement. Puis tous deux murmuraient en même temps « Cagliostro !» L'homme appuyé contre l'arbre voyait de son côté parfaitement la reine. Il fit de la main un signe à Gilbert pour lui dire « Viens !» En ce moment, les voitures firent un mouvement pour se remettre en route. Par un mouvement machinal, instinctif, naturel, la reine poussa Gilbert pour qu'il ne fût point écrasé par la roue. Il crut qu'elle le poussait vers cet homme. D'abord la reine ne l'eût-elle point poussé, une fois qu'il l'avait reconnu pour ce qu'il était, il n'était en quelque sorte plus maître de ne pas aller à lui. En conséquence, immobile, il laissa défiler le cortège. Puis, suivant le faux ouvrier qui de temps en temps se retournait pour savoir s'il était suivi, il entra près lui dans une petite ruelle montant vers Bellevue par une pente assez rapide et disparut derrière un mur juste au moment où, du côté de Paris, disparaissait le cortège aussi complètement caché par la déclivité de la montagne que s'il se fût enfoncé dans un abîme.